إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم, donc on commence aujourd'hui le cours numéro 16 dans l'explication de Umdatul Ahkam, le livre qui s'appelle Umdatul Ahkam, c'est un livre de hadith sur les règles de l'islam. On est toujours dans le premier chapitre, Bab al-Tahara, hein, les règles au sujet de la purification. Et parmi les règles qui ont rapport avec la purification, on a mentionné jusqu'à maintenant plusieurs points. On a parlé de plusieurs choses. Parmi les choses qu'on a parlé dans les cours précédents, le premier chapitre, le premier point, Bab dukhul al-khala wal istitaba. Ça, c'est après qu'on ait parlé de la purification, on a parlé de dukhul al-khala, les règles pour entrer aux toilettes et pour se nettoyer. Ensuite, on a fait bab al-siwak, on a parlé du siwak et des règles qui ont rapport avec ça. On a fait un autre cours sur al-mashu ala al-khuffayn, les règles au sujet de passer les mains mouillées sur les chaussettes ou sur les bas, lorsqu'on fait le wudu. Et on a parlé de al-madhyu wa ghayrihi. Donc on a parlé de ça. Maintenant on commence aujourd'hui un autre point qui est le point numéro 5, bab al-ghuslu min al-janaba. C'est-à-dire le ghusl, la grande ablution, le fait de se laver de al-janaba. Al-janaba, c'est-à-dire lorsqu'on a eu des rapports intimes avec notre épouse, puis qu'on se réveille, ou qu'on se réveille après un rêve érotique, on a à faire le ghusl. Aussi, il y a aussi lorsque, par exemple, ça on va en parler plus tard, parce qu'il y a le point suivant, c'est at-tayammum, c'est-à-dire le fait de se purifier lorsqu'on n'a pas d'eau. Comment on fait? Il y a le septième qui est bab al-hayd. Al-hayd qui est, c'est-à-dire les règles, les menstruations des femmes. Donc ça c'est le septième point qui est traité dans le chapitre de la purification. Et après c'est kitab al-salat. Après c'est le chapitre de la salat. Donc il nous reste trois chapitres, ou pas trois chapitres, mais trois points dans ce chapitre avant de le terminer. On est au hadith numéro 28, et le Cheikh Al-Bassam, dans son charh de Umdatul Ahkam qui s'intitule Taysir al-Allam, il a mis une petite introduction à ce chapitre pour expliquer la signification du titre, pour expliquer le titre. Donc, Bab al-Ghuslu min al-Janaba, al-Ghuslu bi-Dam al-Ghain, afwan. نعم الغسل بضم الغين اسم الاغتسال الذي هو تعميم البدن بالماء. Donc il dit le ghusl, c'est-à-dire le fait de se laver, qui comprend le fait de de faire en sorte que l'eau atteigne toutes les parties de notre corps. Hein? C'est ça, al-ghusl. De faire en sorte que notre corps au complet soit touché par l'eau. Al-ghusl. Avec une dhamma sur le rein. Il dit, wa aslu al-janaba al-bu'd. Donc, le mot janaba, en arabe, ça veut dire le fait d'être loin, ou l'éloignement. Hein, l'éloignement, ou être loin, éloigné. Wa innama qila liman jama'a aw kharaja minhu al-maniyu janaba li'anna ma'ahu ba'ada mahallahu. Donc, pourquoi on appelle le fait d'être en état d'impureté majeure après avoir eu des rapports sexuels, on appelle ça en arabe janaba, comme tu vas dire, par exemple, ana junub, c'est-à-dire je suis junub, je suis en état d'impureté majeure à cause du fait que j'ai eu une éjaculation, du fait que j'ai eu un rapport sexuel avec ma femme, par exemple. Tu dis en arabe ana junub. Et le mot, le nom de ça, c'est al-janaba. Al-janaba. Et le cheikh, il explique pourquoi on appelle ça janaba. C'est un peu bizarre, mais il explique, le cheikh, que c'est parce que lorsque quelqu'un a des rapports sexuels avec sa femme, ou bien lorsqu'il a une éjaculation, ben son sperme s'éloigne de lui. Donc, à cause du fait qu'il s'éloigne de l'endroit d'où il sort, on l'appelle janaba. Janaba qui veut dire s'éloigner. Donc ça, c'est l'explication que le cheikh a donnée ici. Il dit, yuradu bithalika, yuradu bihad al-bab, al-ahkam allati tata'allaku bil-ghusli wa tabyin asbabihi wa adabihi wa ghayri thalik. Donc dans ce chapitre, qu'est-ce qu'on va expliquer? On va expliquer les règles qui sont reliées au ghusl, c'est-à-dire le fait de se laver quand on a une impureté majeure à cause des rapports sexuels, ou bien lorsque on a une éjaculation. C'est-à-dire que des fois, c'est possible que quelqu'un ait une éjaculation sans qu'il ait nécessairement eu un rapport sexuel. Dans ce cas-là, il est quand même en état de janaba et il doit quand même faire le ghusl. D'accord? Par exemple, la question a été posée au ulama, est-ce que c'est permis, par exemple, qu'un homme, c'est-à-dire, est-ce que c'est permis qu'un homme ait une éjaculation du fait que sa femme l'a masturbé ou bien a stimulé une éjaculation avec sa main, quelque chose de ce genre, et les ulama ont dit oui, c'est permis qu'une femme masturbe son mari et qu'il ait une éjaculation. C'est pas un péché, comme si la personne se masturbe elle-même, ça c'est considéré comme un péché, mais par contre si c'est son épouse qui le fait, c'est permis, puisque comme Cheikh Ibn Uthaymeen, il a donné comme preuve à ça le verset dans Surat al-Ma'arij qui dit والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. C'est le verset qui dit donc ceux qui préservent leur partie intime excepté de leurs épouses ou de ce que leur main droite possède, c'est-à-dire les esclaves qu'ils ont, alors ceux-là ne sont pas blâmés. Mais ceux qui vont au-delà de ça et qui transgressent, alors ceux-là, ils sont les transgresseurs. Donc, c'est permis, et dans ce cas-là, il va être junub, il doit aussi faire le rusul, dans ce cas-là, d'accord? Non, que son sperme s'est éloigné. Et non, junub. Il dit أو خرج منه المني وجنب لأن ماءه بعد محله. Il sort, il s'éloigne de l'endroit d'où il vient. Quand il sort. Hala ta'rifu. C'est ça la définition. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit donc qu'on va expliquer les règles qui ont rapport avec le rusul, comment se laver pour que on se purifie dans ce cas-là. On va expliquer les causes de ce lavage, de ce rusul. On va expliquer les manières qui sont reliées à ça et d'autres points également. Il dit « Wa huwa min jumlati at-taharati al-mashru'ati lis-salah ». Ça fait partie des différentes formes de purification légiférées pour être capable de faire la salat. Wa min an-nadhafati al-muraghabu fiha. Également, ça fait partie de la propreté qui est encouragée par l'islam. Wa in kuntum junuban fattahharu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 6, dans surat Al-Ma'ida, et si vous êtes en état d'impureté majeure à cause des rapports intimes avec votre épouse ou quelque chose de ce genre, yani vous êtes junub, in kuntum junuban, fattahharu, yani purifiez-vous. Donc il dit, ada ma fihi min fawa'id sahiyya wa qalbiyya. Ça c'est sans mentionner les bienfaits pour la santé et les bienfaits sur le plan du cœur et ainsi de suite. Ensuite, il dit fa inna al mujami' hina ma takhruj minhu an nutfa allati tu'tabar sulalat badanihi wa jawharihi yahsul lahu ba'da khurujiha shay'un min al ijhad wa al ta'b wa yahsul lahu futur wa kasal wa taballudu dhihn wa rukudu وركود في حركه في حركه الدم. Donc le cheikh il dit lorsque quelqu'un il a des rapports intimes avec son épouse, il a des rapports sexuels et que il a une éjaculation à ce moment-là, il y a le sperme donc qui sort et c'est comme si c'était une partie de lui qui sortait, et qu'est-ce qui va être sa semence en fait. Donc, à cause de la sortie, au moment où il a cette éjaculation-là, c'est comme si après ça, il va ressentir une fatigue, un repos, une paresse, et son esprit, c'est comme s'il devient fatigué à cause de ça. Et son sang dans son corps, il commence à se poser, il est moins... il est moins en train de bouger qu'auparavant. Donc, le cheikh dit « Min rahmatil hakim al-khabir shara'a hadha al-ghusl alladhi yu'idu ila al-jasadi quwwata. » C'est-à-dire, parmi les exemples de la miséricorde et de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bien informé, le parfaitement informé, il a légiféré ce lavage. Et ce lavage ramène au corps sa vie et sa force. Ça, c'est comme si ça revivifie le corps, ça lui donne de l'énergie encore. Voyant surtout dawrat ad-dam fi jismihi. Donc ça fait ça aide à faire en sorte que le sang revienne dans son corps, ça l'active encore plus. Wa ya'udu ila nashatihi. Donc il reprend son énergie, son activité. وكم في شرع الله من حكم وأسرار وفقنا الله تعالى لفهمها والإيمان بها. Donc il dit que combien il y a dans la législation d'Allah des sagesses et des secrets. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à les comprendre et d'y croire. Donc ça c'était la petite introduction par rapport au chapitre. Maintenant on commence à lire le hadith. Le hadith qui est numéroté ici, numéro 28. Et comme je vous avais déjà expliqué, ça dépend d'une édition à l'autre de Kitab Umdatul Ahkam que vous avez. Selon l'édition, des fois il y a des numéros différents. Mais dans cette édition-là, c'est le numéro 28. Il dit, Al-Hadith al-Saminu wal-Ishroun, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس hein? Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est le hadith selon Abu Huraira. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré alors qu'il était sur un des chemins, une des routes de Médine, et il était en état de janaba, il était junub. Alors il a dit fankhanastu minhu, yani je me suis enfui. Quand je l'ai vu, je me suis enfui parce que yani il était gêné de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état de janaba. Alors je suis parti me laver et je suis venu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Où étais-tu, Abu Huraira ?» Il a dit « J'étais junub, c'est-à-dire j'étais en état d'impureté majeure. Et je ne voulais pas ou je détestais devoir m'asseoir avec toi alors que je ne suis pas en état de pureté ou de purification. » Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Subhanallah !» Hein? Gloire à Allah, que Allah soit purifié. Le croyant ne devient jamais impur. Le croyant ne devient jamais impur. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Yani, fi gharib al-hadith. Donc, on va expliquer les termes du hadith, les vocabulaires du hadith qui sont employés, qui peuvent porter à. يعني disons qui peuvent être ignorés ou ne pas être compris comme il faut. انخنست بالنون ثم بالخاء المعجمة والسين المهملة من الخنوص وهو التأخر والاختفاء يعني انسللت واختفيت. Donc انخنست يعني si vous regardez dans la sourate An-Nas, Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الْخَنَّاسِ. Ici il dit انخنستو. Donc c'est la même origine. Et الخنَّاس c'est qui? C'est celui qui vient à l'homme puis qui s'enfuit par la suite, hein? Il vient suggérer des choses, hein, le furtif, ouais, c'est ça. Donc il vient, puis après il s'en va, il s'enfuit, il se cache. Donc, yani, inkhanastu, ça vient de ce mot-là. Ça vient de al-khunus. Ça veut dire le fait de retarder ou de se cacher. C'est-à-dire, quand Abu Hurair a dit ça, ça veut dire, yani, je me suis faufilé, je me suis caché. Insalaltu wa khtafaytu. قال ابن فارس الخنص الذهاب بخفية. C'est-à-dire, quand Ibn Faris, un savant de la langue arabe, il a dit, ça veut dire tu t'en vas, mais furtivement. Ok? Yani, sans que tu te fasses remarquer. Hein? وخنس, hein? وخنس الرجل تأخر, تأخر, تأخر, yani, le fait d'être en retard ou d'être. De se retarder. Naam. Wa ensuite il dit fankhanastu minhu ay min ajlihi حيث رأيت نفسي نجسا بالنسبة إلى طهارته وجلالته صلى الله عليه وسلم. Donc il dit je me suis caché de lui, c'est-à-dire à cause de lui, parce que j'ai vu, je me suis considéré comme si j'étais devenu impur. Comme si j'étais devenu impur par rapport à sa pureté, par rapport à sa, yani à sa grandeur. Donc j'ai pas voulu être en sa présence dans cet état-là. Alors il dit ensuite l'autre terme, il dit kuntu junuban et kuntu za janabatin. تقع هذه اللفظة على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. Ok. Donc il dit que j'étais junub, c'est-à-dire j'étais dans un état de janaba. On emploie ce terme, ce mot, pour une personne au singulier, pour le pluriel, masculin et féminin. Oui, junub, on peut dire pour le pluriel, masculin et féminin, puis on l'utilise aussi pour le singulier. Je suis junub, ils sont junub, elles sont junub. Ouais, et on peut l'employer pour toutes, puis ça change pas. Ben, c'est pas un verbe, ça, c'est un mot, c'est un nom, oui. Donc il reste comme ça, il change pas. Bon, il dit à la loi, تقع هذه اللفظة على الواحد والجمع المذكر والمؤنث. Hein, là. Donc il dit, c'est comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا قَالَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ جُنُبًا. Donc il dit, comme dans le Coran, c'est écrit, et si vous êtes junub, tu vois, c'est le même terme. Et une des mères des croyants a dit, j'étais junub. Elle a dit, j'étais junub. كُنْتُ جُنُبًا. Donc ça reste toujours la même chose. Hein? Le khabar kan. Et ismu inna mansoub et khabar kan mansoub. Aina. Tayyib. La yanjus bi dhamm al jim wa fathiha. La yanjus bi dhamm al jim wa fathiha. Donc on peut dire la yanjas ou la yanjus. Les deux sont corrects. Il dit subhanallah ta'ajjubun min i'tiqad. Hein? Abi Huraira. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit subhanallah, c'est comme s'il s'étonne de voir que Abu Huraira croit que lorsque quelqu'un est en état de janaba, il devient impur, sa personne, comme si ton corps devient une impureté, que, tu comprends, comme si tu étais devenu impur toi-même. Alors que ce n'est pas le cas. Non. Et subhanallah, Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit التسبيح وهو التنزيه يقال عند الشيء المثير للعجب. Donc on dit subhanallah lorsque quelque chose touche notre étonnement, quand on est étonné, et c'est une parole qu'on dit dans le sens de glorifier Allah pour le purifier et l'exalter. Hein? J'aime beaucoup ce hadith-là en passant. Je trouve que c'est un très très beau hadith. Ça montre le respect des sahaba. Jazakallahu khairan. Ça montre le respect des sahaba pour le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'est ça. Ça montre le respect des sahaba pour le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Hein, ils ne voulaient pas être à sa présence s'ils n'étaient pas en état de pureté. Et naam. Donc, le cheikh explique le sens général du hadith. Il dit لقي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة. Donc Abu Huraira a rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم dans certains des chemins de Médine. Médine, vous savez, à l'époque, c'était pas comme Médine aujourd'hui, et les rues ou les chemins de Médine, c'est en fait des petites rues, très petites rues étroites, toutes collées. Hein? C'était comme ça il n'y a pas longtemps à Médine, subhanallah. Et il y avait encore des quartiers, quand j'étais là-bas, il y avait encore des quartiers de Médine qui étaient encore restés comme ça. C'est des petits couloirs, là, très étroits entre les maisons. Il n'y a pas des grandes rues ou des grands chemins comme ça, non. C'était des petites rues, très très serrées. Est-ce que c'était comme ça à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allahu a'lam. Mais dernièrement, avant la démolition de tous les espaces qui étaient là, comme parce que quand ils ont construit l'expansion de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les hôtels et tout, ils ont tout rasé, qu'est-ce qui était autour, tous les magasins, les maisons et tout. Donc avant c'était comme ça. Ah oui, oui, je l'ai vu. C'est ça. Ouais, ouais, t'as raison, Barakallahu fik. Le musée, il y a un petit musée, c'est vrai, pas loin de je pense c'est Tariq Sultan. Il y a un petit musée, tu vas, puis il te montre l'évolution des travaux et tout ça. Ouais, subhanallah, c'est vraiment étonnant. Hein? Mathaf. Comme c'est un endroit où on expose des photos, des images de Médine, comment c'était au fur et avec le temps, comment ça a changé. Non, pas depuis Ahd al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais depuis le temps où il y a encore des images. C'est-à-dire depuis qu'on avait des images. De présentement, comment c'est actuellement, ou bien de l'époque, comment c'était à l'époque. Masha'Allah, Allahu Akbar, Masha'Allah. Ok, parce que moi quand je suis allé, le musée venait juste d'ouvrir, puis il n'y avait pas grand chose dedans. Donc peut-être que depuis, ils ont comme rajouté beaucoup de choses dedans, peut-être, oui. Très, Inch'Allah, on ira voir ça la prochaine fois. Oui, c'est à Médine. C'est à côté de là où il y a les Awqaf, Al-Madina. Pas loin de Shar-e-Sittin, au coin de Shar-e-Sittin, puis là je pense où Tariq Sultan commence à l'intersection. Non. Bon, après qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh il explique que il a dit صدف أنه جنود. Donc il a dit ce moment-là il était dans un état d'impureté. Au moment où il l'a rencontré. فكان من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إياه وأنكره مجالسته ومحادثته وهو على تلك الحال. Donc parmi les exemples qui montrent le respect que Abu Huraira radiallahu anhu avait pour le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est qu'il n'a pas voulu s'asseoir avec lui et parler avec lui alors qu'il était dans cet état-là. فانسل في خفية من النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل ثم جاء إليه. Donc il s'est faufilé, il s'est en allé furtivement, yani, du prophète صلى الله عليه وسلم pour aller se laver. Il est revenu le voir après. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أين ذهب فأخبره بحاله وأنه كره مجالسته على غير طهارة. Donc il lui a demandé où est-ce que tu étais. Il lui a dit j'étais dans tel état et je détestais m'asseoir en ta présence dans cet état-là alors que je n'étais pas pur. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبي هريرة حين ظن نجاسة الجنب وذهب ليغتسل وأخبره أن المؤمن لا ينجس على أي حال. Donc le professeur s'est étonné que Abu Huraira رضي الله عنه pense que il était à cause de sa najasa, c'est-à-dire à cause de sa janaba, qu'il était devenu impur dans sa personne, qu'il ne pouvait pas être en la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme par exemple une fois Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de lui peigner ses cheveux. Alors elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle avait ses menstruations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ta menstruation n'est pas dans ta main. Tu vois? Donc c'est pas parce que tu es dans cet état-là que tu peux pas me peigner, ou me toucher, ou des choses comme ça. Donc c'est un exemple aussi. Il dit ici, le cheikh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné de ça, et donc il lui a expliqué par la suite que le croyant, il ne devient jamais impur, peu importe l'état dans lequel il est. Il ne devient jamais impur. وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point de bénéfique dans ce hadith-là? Il y a 5 points qui sont mentionnés. Le premier point, كَوْنُ الْجَنَابَ لَيْسَتْ نَجَاسَ تَحُلُّ الْبَدَنِ. Le fait que la janaba, le fait d'être en état d'impureté à cause de rapports intimes ou à cause d'une éjaculation, ce n'est pas une impureté qui est sur le corps ou qui est partout dans le corps. D'accord? Le deuxième point, كون الإنسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا لأن معناه أن بدنه لا تصيبه النجاسة أو تحل به فقد تكون عينه أي ذاته متنجسة إذا أصابته النجاسة. Donc il dit, le point ici c'est que le fait que une personne en elle-même ne deviendra jamais impure, ni vivant ni mort. Même ton corps, quand tu meurs, le laveur qui te lave, c'est recommandé qu'il fasse le ghusl après avoir lavé le mort. Mais il se lave pas ou il fait pas le ghusl parce que le corps est impur, parce que le corps du croyant ne devient jamais impur. Il dit وليس معناه أن بدنه لا تصيبه النجاسة. Ça ne veut pas dire, par contre, que le corps ne va pas être touché par une impureté ou qu'il ne peut pas y avoir une impureté sur quelqu'un. Hein? Parce que c'est possible que la personne soit couverte d'impureté, par exemple, ou qu'elle soit touchée par une impureté. Mais lui-même, sa personne, ne deviendra pas impure. D'accord? Le point numéro 5, جواز تأخير الغسل من الجنابة. On a ici dans ce hadith la preuve qu'il est permis de retarder le ghusl après avoir eu des rapports intimes. Dans le sens que on peut, si par exemple on est junub, dire par exemple, bon, je vais sortir aller acheter du pain au magasin. Et puis, aller faire des choses, puis revenir à la maison. Comme Abu Huraira, radiallahu anhu, il était junub, on ne sait pas qu'est-ce qu'il était allé faire lorsqu'il est sorti, mais on sait qu'il est sorti de chez lui, puis qu'il a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit par la suite, quand il était parti, où est-ce que tu étais? Donc c'est la preuve qu'il aurait pu venir voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis parler avec lui, lui dire le salam, et ainsi de suite. Mais il a cru qu'il devenait, ou qu'il était en état de, qu'il était impur, donc il n'était pas en état de s'asseoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour parler avec lui. Alors il est parti. Donc c'est permis de retarder le rasoul et de ne pas se laver immédiatement après avoir eu un rapport sexuel. Le point numéro 4, تعظيم أهل الفضل والعلم والصلاح ومجالستهم على أحسن الهيئات. Ça c'est un bon point que le cheikh il mentionne ici, c'est que on doit avoir du respect pour les gens du mérite, pour les gens de science, pour les gens de bien, pour les gens pieux, et on ne doit s'asseoir en leur présence que dans la meilleure des situations et le meilleur des états. Donc ça c'est un bon point. Et le point numéro 5, qui est le dernier point ici, مشروعيه استئذان التابع للمتبوع في الانصراف فقد انكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابي هريره ذهبه من غير علمه وذلك ان الاستئذان من حسن الادب. Donc le cheikh il dit ici, il est légiféré que la personne, lorsqu'elle suit quelqu'un, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est avec une autre personne, elle ne doit pas s'en aller avant d'avoir demandé la permission. Ça fait partie des bonnes manières. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé Abu Huraira ici d'être parti sans qu'il le sache. Hein, parce qu'il s'est en allé furtivement. Donc ça, ça montre que de demander la permission pour s'en aller, c'est une bonne, ça fait partie des bonnes manières dans l'islam. Cheikh Ahmed al-Najmi, il mentionne dans le fiqh de ce hadith, il dit qu'il y a deux aspects dans ce hadith comme dalil. Le dalil qui est mentionné directement dans le hadith, la preuve qui est directe dans le hadith, et la preuve qui est tirée de qu'est-ce qu'on peut comprendre du hadith. Donc il explique les deux. Il dit « Amma al-istidlal bimantouqihi » فهو لمن يرى طهارة ميتة الآدمي وهو الجمهور وخالف أبو حنيفة فقال بنجاسة ميتته والمذهب الأول هو الحق لموافقته الأدلة. Le premier point, c'est la preuve de qu'est-ce qui est dit dans le hadith. Et c'est-à-dire une preuve pour celui qui considère que le mort, l'être humain, lorsqu'il meurt, il reste toujours en état, il reste toujours pur. Son corps, il n'est pas impur. Oui, tous les êtres humains. Al-Adami, ça veut dire les fils d'Adam. Hein, de façon générale. Et ça, c'est la majorité des savants qui disent ça. Qui disent que le corps de l'homme, même quand il meurt, il reste pur. Et celui qui a divergé là-dessus, c'est Abu Hanifa. Abu Hanifa, lui, a dit que il devenait impur quand il meurt. Sauf que le cheikh dit que le madhhab, la première position, celle qui dit que l'être humain reste pur après, même après sa mort, c'est la position qui est rajih, qui est la plus proche de la vérité, parce qu'elle est supportée par les preuves et elle est en accord avec les preuves. Et l'autre preuve qui est tirée de qu'est-ce qu'on peut comprendre du hadith, al-istidlal al-thani bimafhum qawlihi sallallahu alayhi wa sallam innal mu'mina la yanjus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut comprendre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que le croyant ne devient pas impur. Il dit fa akhadha minhu Malik wa ba'd ahl al-bayt wa ba'd ahl al-zahir najasata 'ayn al-kafir wa ayyadu hadha al-ma'khadh biqawlihi ta'ala innama al-mushrikuna najasun والجمهور يحملون هذه الآية على نجاسة الاعتقاد ويقولون بطهارة عين الكافر مستدلين بإباحة نساء أهل الكتاب وطعامهم ولبس ثياب الكفار المغنومة وهو استدلال قوي والله أعلم. Donc il dit la deuxième compréhension, la deuxième preuve qui est tirée de la compréhension de ce hadith. Certains savants ont dit que si le croyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le croyant ne devenait pas impur, ils ont tiré de ça, comme l'imam Malik et certains ulama d'Ahlul Bayt et certains des Zahiriya, eux ils ont tiré de la compréhension de ce hadith que le kafir en lui-même était najis, il était impur, et ils ont supporté cette interprétation là ou cette compréhension là par le verset 28 dans sourate At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit innama al-mushrikuna najasun, les mushrikoun ne sont qu'impuretés. Mais la majorité des savants n'ont pas compris et n'ont pas pris ce verset là dans le sens de l'impureté physique, mais ils l'ont pris dans le sens de l'impureté par rapport à la croyance des mouchriquins. Ils ont utilisé comme preuve pour dire que le mouchriq et le kafir ne devient pas physiquement lui-même une impureté du fait que Allah a permis aux musulmans d'épouser les femmes des gens du livre et de manger leur viande et de porter leurs vêtements. Donc ça serait la preuve que ils ne deviennent pas eux-mêmes une impureté physiquement dans leur croyance. Exactement. Mushrikoun, ouais. Bah en principe, En principe, s'ils disent ça, c'est moi, je sais pas. Est-ce que, parce que l'imam Malik, si sa position c'est que le mushrik devient najis, la seule chose c'est qu'il va dire, il ne va pas dire que tu vas perdre ton ablution. Parce que de fait, toucher à une impureté, ça ne fait pas perdre l'ablution en soi. C'est comme quand quelqu'un, par exemple, rentre en contact avec une impureté, ça n'annule pas son ablution, son ablution, mais il doit quand même enlever cette impureté pour pouvoir prier. Parce que si il prie alors que cette impureté-là est sur lui ou sur ses vêtements, eh bien sa prière ne sera pas valable. Donc il doit nettoyer l'endroit où l'impureté a été en contact avec lui. Ben, en fait, par rapport à ça, ça c'est une des choses qu'on n'a pas mentionné dans ce dars, mais les ulama, ils considèrent que l'urine des animaux dont on peut manger la viande et leur excréments n'est pas impur. Naam, l'urine et les excréments des animaux dont on peut manger la viande n'est pas impur. Ça c'est une faïda de plus. Et il ramène des preuves à ce sujet-là. Yani, sur la question du rusul par rapport au mushrik qui rentre dans l'islam, par rapport au rusul, est-ce qu'il doit le faire ou non, il y a divergence sur le fait que est-ce que c'est obligatoire de faire le rusul pour le nouveau musulman ou non. Mais il y a certains ulama qui mentionnent un dalil à ce sujet-là, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait ordonné ou aurait demandé à un mushrik qui s'est converti à l'islam de se laver. Dans d'autres narrations, il lui a ordonné aussi de couper ses cheveux. Mais ça, c'est pas des choses qui sont rapportées dans tous les hadiths à ce sujet-là. Donc, certains ulama ont dit c'est quelque chose qui est recommandé de le faire, mais c'est pas une obligation. Naam. Wallahu a'lam. Après, le cheikh il dit Naam. Qala an-Nawawi في استحباب في الحديث استحباب واحترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم وقد استحب أهل العلم للطالب أن يحسن حاله عند شيخه. Donc l'imam al-Nawawi il dit que le hadith mentionne le fait que c'est recommandé de respecter les gens du bien et de respecter yani, le fait de s'asseoir avec eux et de les accompagner. Et on a dit que c'est recommandé pour les... yani, les hommes de science recommandent aux étudiants d'avoir une bonne apparence et un bon état en présence de leur cheikh. وفيه من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه شيئا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وبين له صوابه. Donc il dit parmi les bonnes manières aussi que les savants ont mentionné, c'est que le savant lorsqu'il voit de celui qui le suit quelque chose, il croit que la personne a compris le contraire de qu'est-ce qui est correct, de lui demander à ce sujet-là pour par la suite lui clarifier ce qui est correct. Donc supposons que tu es assis avec un cheikh et le cheikh par exemple il t'entend dire quelque chose ou il comprend de toi que tu as compris quelque chose incorrectement. Donc il te demande pourquoi t'as dit ça ou qu'est-ce que tu penses de ça, puis toi tu lui dis telle raison, et là lui il t'a posé ça pour vérifier ta compréhension, pour voir qu'est-ce que tu dis, et puis après justement s'il voit que t'as fait une erreur il va te corriger, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Abu Huraira qui est disparu, hein, qui est parti. Donc il lui a demandé où étais-tu Abu Huraira. Il a voulu comprendre pourquoi il s'était en allé de cette façon-là, et c'est là que Abu Hayyan lui a dit qu'il était najis, qu'il n'était pas najis, qu'il était junub. Et donc, après ça, il lui a expliqué que le croyant, il n'est jamais yani najis. Hein? Il ne devient pas najis, impur. Donc ça c'est pour le hadith numéro 28. Maintenant, le hadith numéro 29. C'est la description du Rasul. C'est la description du Rasul. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أو أروى بشارته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده رواه البخاري وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا نغترف منه Jami'an, rawahu al-Bukhari wa Muslim. La traduction de ce hadith, c'est que Aïcha, selon Aïcha radiallahu anha, elle dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se lavait à cause d'une janaba, c'est-à-dire qu'il avait eu des rapports sexuels, il lavait ses mains trois fois. Après, il faisait son wudu, comme le wudu pour la salat. Ok? Il faisait son wudu comme le wudu pour la salat. C'est-à-dire, il fait son wudu, son nez, sa bouche, après son visage, trois fois. Après, il fait le bras droit, le bras gauche. Après, il fait la tête, les oreilles, laver les pieds. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait son ghusl. En fait, ici, il n'a pas dit trois fois, mais c'est-à-dire que il dit, il fait son wudu comme pour la salat. Ouais, il n'a pas dit un nombre de fois, il a juste dit, puis, thumma tawadda'a wudu'ahu les salat. C'est-à-dire, il fait son wudu comme quand il fait son wudu pour la salat. Ouais, c'est ça, après avoir lavé ses mains. Il n'a pas dit trois fois. Il a dit, il lave ses mains, puis il fait son wudu comme pour la salat. Après, il fait son ghusl. Qu'est-ce qu'il faisait après avoir fait son wudu? Il commence son ghusl. Comment il commence son ghusl? Il prend trois poignées d'eau avec ses mains, comme ça. Il prend de l'eau dans ses deux mains, puis il le verse sur sa tête et il fait en sorte que l'eau touche le cuir chevelu de sa tête partout. Et que tout le cuir chevelu de sa tête soit complètement mouillé. Une fois qu'il est certain que l'eau a atteint toutes les parties du cuir de du fond de sa tête, cuir chevelu, il prend trois poignées de main, encore les deux mains ensemble, il verse trois fois de l'eau comme ça sur sa tête. Ok, puis après il frotte l'eau sur tout son corps, et il fait attention. Donc là, ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith. Il dit, il verse trois poignées d'eau sur sa tête trois fois. Il verse trois fois une poignée d'eau, de l'eau sur sa tête, et il lave le reste de son corps. C'est ça qui est écrit dans le hadith, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aïcha radiallahu anha, elle dit dans Al-Bukhari et Muslim, je me lavais moi ainsi que le messager d'Allah dans un même contenant. C'est-à-dire, elle posait un contenant et le messager d'Allah et ainsi qu'Aïcha radiallahu anha, eh bien, ils se lavaient tous les deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, du même contenant en même temps. Et même que dans une narration, c'est écrit, nos mains se touchaient dans le contenant. Donc, ils faisaient le ghusl ensemble, dans un contenant en même temps. Ça, c'est qu'est-ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Gharib al-Hadith. Qu'est-ce qu'on peut mentionner au sujet du vocabulaire de ce hadith? إذا اغتسل من الجنابة يعني أراد ذلك قال الزمخشري عبر عن إرادة الفعل بالفعل لأن الفعل يوجد بقدر الفاعل عليه وإرادته له والقصد الإيجاز في الكلام. Donc il dit إذا اغتسل من الجنابة, ça veut dire quand il a l'intention de faire la janaba, quand il veut faire le ghusl pour sa janaba, c'est ça que ça veut dire, quand il a l'intention de faire son ghusl. Il dit deuxième point, parce qu'il y a, il y a cinq termes qui sont expliqués. Le deuxième, ثم يخلل يديه شعره ثم يخلل بيديه شعره التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر. Donc التخليل, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu laisses tes doigts entrer à l'intérieur de tes cheveux. C'est ça que ça veut dire. التخليل, c'est-à-dire tu laisses tes doigts entrer à l'intérieur des différentes parties de tes cheveux pour faire en sorte que يعني, tu touches le fond de ta tête avec tes doigts. وقد أروى بشارته أروى بشارته أو comment se dit ici, oui, بشارته بشر البشرة والبشرة c'est la peau. Donc أروى بشارته أوصل الماء على أصول الشعر والبشرة البشرة المراد هنا ظاهر جلد المستور بالشعر. Donc qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il a mis de l'eau يعني à la base des cheveux, là où les cheveux poussent sur la tête, le cuir chevelu. Et al-bashara, c'est qu'est-ce qu'on veut dire, c'est la peau de la tête qui sont couverts par les cheveux, c'est ça que ça veut dire. Le point numéro 4 ou bien plutôt la quatrième terme, إذا ظن الظن يراد به هنا معنى الرجحان إذ لا دليل على أنه لا بد من اليقين والظن قد صح التعبد به في الأحكام. Donc il dit qu'est-ce qu'on veut dire par الظن ici. الظن, ça peut vouloir dire la certitude ou ça peut vouloir dire qu'est-ce qu'on pense, Yannick, ou bien qu'est-ce qu'on pense, oui, qu'est-ce qui est plus probable. Donc ici dans le sens de ma'na al-rajihan, c'est-à-dire que lorsque tu es à peu près sûr que ça a touché toutes les parties de ton cuir chevelu, que l'eau a atteint toutes les parties de ton cuir chevelu, et Annie, tu es à peu près sûr, dans ce cas-là, c'est correct. C'est pas nécessaire d'être certain à 100%, parce que dans les adorations, c'est possible, et Annie, c'est accepté. L'adoration, elle est acceptée si on est à peu près sûr, même si on n'est pas sûr à 100%. Al-dhan qad sahha at-ta'abbud bihi fi al-ahkam, dans les questions des règles de l'application de la religion. Il dit wa afada alayhi asala al-ma' ala sha'rihi. Afada, c'est-à-dire il a versé de l'eau sur sa tête. Afada, c'est-à-dire il a versé de l'eau sur ses cheveux. Ok, la signification générale du hadith, le cheikh il résume, il dit tasifu Aisha ghusl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi annahu idha arada al-ghusl min al-janaba bada'a bi ghusl yadayhi litakuna nadhifatayn hinama yatanawalu bihima al-ma lit-tahara wa tawadda'a kama yatawadda'u lis-salah. Donc il dit premièrement Aisha radiyallahu anha, elle décrit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le ghusl lorsqu'il a envie de faire le ghusl. Il dit que yani, il commence par laver ses mains. Donc avant de rentrer sa main dans le contenant, il les lave, parce que peut-être qu'il y a de l'impureté sur ses mains. Donc quand ses mains sont propres, là il commence à prendre de l'eau pour faire sa purification. Il commence à faire son wudu comme pour la salat. Il dit ولكونه صلى الله عليه وسلم ذا شعر كثيف فإنه يخلل بيديه وفيه وفيهما الماء. Donc, étant donné que le prophète Sansom avait dit, avait été très poilu, il avait beaucoup de cheveux, donc il avait des cheveux, une chevelure épaisse, donc il passait ses doigts dans ses cheveux pour être sûr que l'eau atteigne comme il faut. Il dit وحتى إذا وصل الماء إلى أصول الشعر أروى البشرة وأروى البشرة يعني أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم غسل باقي جسده ومع هذا الغسل الكامل فإنه يكفيه وهو وعائشة إناء واحد يغترفان منه جميعا. Donc il dit, donc il versait de l'eau sur sa tête, sur ses cheveux, jusqu'à ce que le cuir chevelu soit complètement mouillé, et il le versait ensuite, il versait ensuite trois poignées d'eau sur sa trois fois le contenu de ses deux mains, rempli d'eau sur sa tête, et il lavait le reste de son corps, c'est-à-dire il frottait le reste de son corps avec l'eau. Et il dit que le prophète Sosem faisait son ghusl parfaitement, et le contenant un seul contenant d'eau lui suffisait à lui ainsi qu'à sa femme pour faire leur ghusl. Ça veut dire que ça prend pas une tonne d'eau pour faire le ghusl. Hein? Des fois, nous, on est habitué, par exemple, on fait le ghusl dans la douche. Hein? Donc, on laisse couler beaucoup d'eau parfois, alors qu'en réalité, pour faire le ghusl, ça nous suffirait d'utiliser un petit contenant, hein, dans lequel il y a une petite quantité d'eau, ça serait suffisant pour faire le ghusl au complet. Hein? Mais nous, étant donné qu'on a la vie facile, on regarde plus les quantités d'eau qu'on dépense ou qu'on gaspille. Hein? Mais quand on va ailleurs, dans un pays où il n'y a pas toujours de l'eau partout, eh bien, on constate que, Allah al-Musta'an, l'eau c'est précieux. Hein? Ouais. C'est comme quand on était en Haïti, là. On faisait attention. Mais ah oui, pour faire le ghusl et tout, pour faire le wudu. Tu réfléchis. Non, donc c'est ça. Et après, il dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Donc, il mentionne 7 points. 7 points de qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith. D'accord. Donc, il dit, premièrement, مشروعيه الغسل من الجنابه سواء كان ذلك لانزال المني او لمجرد العلاج كما سياتي صريحا في حديث ابي هريره. Donc, il dit que le premier point, c'est légiférer de faire le ghusl pour la janaba. Et ça, c'est peu importe que il y a eu une éjaculation de sperme ou même une simple pénétration, comme cela, est mentionné de façon explicite dans le hadith de Abi Huraira. C'est-à-dire qu'on va le mentionner dans un hadith qui va suivre par la suite, au prochain cours, Inch'Allah. Dans le sens que, si par exemple, tu as eu un rapport incomplet avec ton épouse, dans le sens qu'il y a juste eu une pénétration, mais qu'il n'y a pas eu d'éjaculation, eh bien, dans ce cas-là, tu dois quand même faire le ghusl. C'est pas une condition qu'il y ait un rapport complet avec éjaculation. D'accord? Donc, du moment qu'il y a une pénétration, hein, de l'organe de l'homme dans la partie intime de la femme, à partir de ce moment-là, il devient obligatoire de faire le ghusl pour les deux, pour l'homme et pour la femme. D'accord? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, إذا التقى الختانان وجب الغسل. C'est-à-dire, si les deux parties de la circoncision se sont touchées, eh bien, il devient obligatoire maintenant par la suite de faire le rusul. D'accord? Donc, sur la partie de l'homme, la partie qui est circoncis, touche à la partie de la femme, yani. Donc, quand il y a pénétration, de cette façon-là, d'accord? Eh bien, là, yani, à partir de ce moment-là, c'est obligatoire même s'il n'y a pas d'éjaculation. Le deuxième point. أن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث من تقديم غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر الكثيف وترويته ثم غسل بقية البدن. Donc il dit le cheikh que la description du ghusl qu'on a vu là, c'est la description du ghusl complet, parfait. D'accord? Mais c'est possible que quelqu'un fasse le ghusl sans faire tous ces détails-là. Mais ça, c'est le complet, le ghusl le plus parfait que tu peux faire. Hein? Il a dit, tu commences par laver tes mains, après tu fais le wudu, après tu mets de l'eau sur le cuir chevelu et tu passes tes mains ou tes doigts à travers tes cheveux pour être sûr que ça... touche au complet. Après, tu verses de l'eau sur ta tête et tu laves tout le reste de ton corps. Ça, c'est le ghusl complet. Mais si quelqu'un, les ulama ont dit, si quelqu'un s'immerge dans l'eau et qu'il fait al-madmada wal-istinshaq, c'est-à-dire il lave sa bouche et son nez, et qu'il s'immerge, se plonge complètement dans l'eau, avec l'intention, bien entendu, de se purifier d'une impureté majeure, il sera en état de purification, il sera purifié. Ça compte pour le ghusl. Al-madmada, c'est-à-dire qu'il faut que pendant qu'il se lave dans l'eau, et qu'il faut absolument soit qu'il le fait avant ou après, mais c'est préférable qu'il fasse al-madmada wa al-istinshaq avant de s'immerger dans l'eau, hein, avec l'intention aussi, l'intention ça doit être avant aussi, donc de s'immerger dans l'eau avec l'intention de se purifier. À ce moment-là, c'est comme s'il a fait son ghusl. De même que si par exemple quelqu'un, par exemple, il est dans sa douche et qu'il veut se purifier, il veut pas faire le wudu puis toutes les parties du ghusl, il fait juste mettre de l'eau, il fait le madmada, il lave sa bouche et son nez, le madmada wal istinshaq, et il verse de l'eau partout sur son corps, et puis yani, il sort avec l'intention de quand il verse de l'eau sur lui, il le fait avec l'intention de se purifier d'une impureté majeure comme la janaba, et bien il va être dans un état de purification. Naam. وإن كنتم جنبا فطهروا. C'est ça le verset. Mais al-madmada wa al-istinshaq, c'est parce que ça fait partie de la tête. Ça fait partie de la tête. Et non. Donc, après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh comme autre point? Il dit وَقَوْلُهَا كَانَ إِذَا اغْتَسَلْ يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة. Donc le cheikh il dit que lorsque Aïcha radiallahu anha dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se lavait de la janaba, ça montre que c'est quelque chose qu'il faisait pas juste de temps en temps, c'est quelque chose qu'il faisait constamment. À chaque fois qu'il faisait le ghusl, il faisait ça. Le point numéro 4, جواز نظر احد الزوجين لعورة الاخر وغسلهما من اناء واحد. Donc la preuve qu'il est permis aux deux époux de regarder la partie intime de l'autre. Pour un époux, il n'y a pas de aura pour son épouse. Et son épouse, c'est-à-dire la femme, elle a le droit de regarder tout du corps de son mari, et le mari a le droit de regarder tout du corps de sa femme. Il n'y a pas une partie du corps que yani, c'est aura pour lui ou de elle pour elle, yani, de son corps à lui ou pour lui de son corps à elle. Il a le droit de tout voir, Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le ghusl avec son épouse Aïcha, radiallahu anha, dans un même contenant. Alors ils étaient dénudés, hein, et ils pouvaient se voir, bien entendu, mutuellement. Donc ça, c'est la preuve que c'est permis. Parce qu'il y a des hadiths qui sont rapportés, qui sont faibles. Qui sont faibles, qui disent qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'on voit la partie intime, ou des choses comme ça. Ça, c'est Cheikh Al-Albani, il les a mentionnés dans son livre Adab al-Zafaf, et puis il a mentionné que tous ces hadiths sont faibles. Comme il y a un hadith qui dit que deux personnes ne soient pas nues comme deux singes, ou que quelqu'un ne regarde pas les parties intimes de son épouse parce que sinon ça va le rendre aveugle ou quelque chose comme ça. Ça, c'est des hadiths faibles. C'est pas vrai. Non. Après, le cheikh, il dit, le point numéro 5, تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل من الجنابة عدا غسل الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله كما سيأتي. Donc il dit que on doit faire précéder le lavage des membres du wudu avant de commencer le ghusl. Yani par rapport au ghusl de al-janaba les impuretés dues au rapport intime, excepté le lavage des deux pieds. Parce que dans certaines narrations du hadith, il laisse le lavage des pieds pour la fin. Mais il y en a aussi, dans d'autres narrations, il lave les pieds avant. Donc certains ulama ont dit, tu peux les laver avant, pendant le wudu, ou les laver après, à la fin complètement. D'accord ? On va, de toute façon, le cheikh il a dit, ça va venir. Donc on va l'expliquer par la suite. Et c'est en fait le hadith suivant, mais on va le lire au prochain cours, Inch'Allah. Et là, il reste deux points. Le point numéro 6, قولها ثم توضأ وضوءه للصلاة. Donc c'est-à-dire après qu'il a lavé ses mains, il fait son wudu comme il le fait pour la salat. ثم غسل سائر جسده. Puis il lave tout le reste de son corps après avoir fait ça. يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر. فإن الأمر الذي يجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ورفع الحدث الأصغر واحد. يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر فإن الأمر الذي يجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد. Donc, le cheikh, il dit, ça c'est la preuve que de laver les membres du wudu, ça enlève les deux impuretés majeures et mineures, parce que l'ordre qui, ou l'affaire qui rend obligatoire le lavage de ces membres-là, pour la janaba, et pour faire enlever l'impureté mineure, c'est, les deux sont la même chose. Mais personnellement, je ne comprends pas exactement qu'est-ce que le cheikh ici il veut dire. Puisque si quelqu'un faisait juste son wudu, ce ne serait pas suffisant pour enlever l'impureté majeure. Donc, je ne vois pas très très clairement ici qu'est-ce que le cheikh veut dire. Et il dit « وَسَائِرُ جَسَدِهِ » c'est-à-dire le reste de son corps, c'est-à-dire « بَقِيَتُهُ ». On va s'arrêter ici, puis on va, Inch'Allah, faire la suite de ce char du hadith prochain, au prochain cours, Inch'Allah. Donc, on s'arrête ici. Ah oui, il y a des ulama qui ont mentionné que quand tu fais le ghusl et que tu passes, après avoir mis l'eau sur ta tête, tu passes par la suite tes mains partout sur ton corps pour faire en sorte que l'eau touche toutes les parties. Donc tu vas même faire que l'eau rentre dans ton nombril, les oreilles et tous les plis du corps. Certains ulama ont dit, tu dois par contre éviter de toucher tes parties intimes parce qu'ils considèrent que ça annule l'ablution. Tandis que d'autres savants qui ont l'autre opinion, qui disent non, c'est juste une partie de toi-même, dans ce cas-là, ça n'annule pas le wudu. Donc, ils considèrent que de toucher les parties intimes, ça n'annule pas le wudu tant que ce n'est pas fait avec désir. Donc, il y a divergence entre les savants sur cette position-là. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.